Tu as fini seul, fallait pas lécher. Ah, tu rigoles moins quand tu finis à l'évêché. Ah, plus de permis, t'étais trop pressé. Ah, je vois poteau, tu te sens délaissé. Ah, à l'ancienne, j'esquivais la AVC. Ah, désolé frérot, fallait pas me laisser. Ah, juste au moment où j'étais blessé. Ah, même pas une bite pour me caresser. Ah, j'ouvre les yeux, j'regarde le monde. J'assume que j'fais, y'a pas de honte. Elle casse les couilles, la vie qu'on mène. On se rappelle, faut qu'on s'entraide. Que ça fait ses plans en traître. Ça gâte tout dans un coin de la tête. J'sais pas ce que j'ai souvent mal. J't'avoue, j'n'arrête pas les balles. J'te suis discret, ils le savent. Dans ce game, combien j'en étale. J'sors un son, j'vous fais de l'ombre. Désolé, m'si tu me critiques de langue. Ouais, j'sors un son, j'vous fais de l'ombre. Désolé, m'si tu me critiques de langue. Sert à rien de s'étonner. Ce qui fait l'ombre, ce n'est pas la monnaie. Tes blabla, on les connaît. J't'écoute plus même quand tu promets. Oh, j'prends l'autoroute en T-Max à 3 radars. Cache la plaque, fais-leur un doigt. J'prends l'autoroute en T-Max à 3 radars. Cache la plaque, fais-leur un doigt. J'ouvre les yeux, j'regarde le monde. Oh. Oh. J'ouvre les yeux, j'regarde le monde. Oh. Oh. J'ouvre les yeux, j'regarde le monde.